sens tes épaules, ma peau tout contre toi. J'ai gardé tes secrets, parfois lourds à porter. Tes clés, ton téléphone, l'adresse de tous ces hommes. Je m'accroche à ton corps, et quand tu me remarques, je suis un chercheur d'or, pris la main dans le sac. Ma vie, et tu l'as mise à sac, mise à sac. Thank you.